chien, homme du monde. Premièrement, je ne dois rien à personne, je rappe tout seul. Je prends la vie comme elle vient, je prends la vie par les couilles. Monsieur le flic, j'en ai marre des fouilles. C'est pour un smitch que tu me casses les couilles, pour le salaire de la trouille. Monoparental, on crache pas dans la soupe. Mes frères font le grand voyage enfermé dans la soute. La vie de rêve n'est pas accessible à toutes les bourses. L'argent et le pouvoir sont à la cul dans toutes les bouches. Débrouillard, on connaît la valeur d'un sou. On sait que si on se fait serrer, la peine sera lourde. Mais qu'est-ce que tu veux, on est des hommes, faut bien qu'on bouffe. Aujourd'hui t'es bien, demain t'es au trou. Je suis détruit, ils m'ont détruit. C'est quand je suis mal que je trouve la force d'écrire. La vie nocturne, la routine m'épuise. Aujourd'hui t'es bien, mais que sera demain? Aujourd'hui tu vis, et demain tu meurs. Aujourd'hui tu ris, et demain tu pleures. Les sentiments peuvent te pousser jusqu'au meurtre. La passion peut être parfois dangereuse pour le cœur. Aujourd'hui tu vis, et demain tu meurs. Aujourd'hui tu ris, et demain tu pleures. Les sentiments peuvent te pousser jusqu'au meurtre. La passion peut être parfois dangereuse pour le cœur. Deuxièmement, je n'en veux à personne. Je n'en veux à personne. Je partirai la tête haute si mon heure sonne. Il y a l'enfant et puis l'adulte et puis le cercueil. Les hommes changent avec l'argent, l'amour et l'orgueil. La vie est imprévisible. Les gens oublient vite, ils ont la mémoire sélective. Aujourd'hui je t'aime et demain je te quitte. Où est la barrière entre je te déteste et je te kiffe? Quand tu n'as rien, les gens te méprisent, te négligent. Quand tu réussis, ces mêmes personnes te félicitent. T'inquiète pas, j'ai crié leur jeu d'hypocrite. Aujourd'hui je parle mal, demain je profite. Je suis détruit, ils m'ont détruit. C'est quand je suis mal que je trouve la force d'écrire. La vie nocturne, la routine m'épuise. Aujourd'hui t'es bien, mais que sera demain? Aujourd'hui tu vis, et demain tu meurs. Aujourd'hui tu ris, et demain tu pleures. Les sentiments peuvent te pousser jusqu'au meurtre. La passion peut être parfois dangereuse pour le cœur. Aujourd'hui tu vis, et demain tu meurs. Aujourd'hui tu ris, et demain tu pleures. Les sentiments peuvent te pousser jusqu'au meurtre. La passion peut être parfois dangereuse pour le cœur. Aujourd'hui tu vis, demain tu meurs. Aujourd'hui t'es mon gars. Prends la vie comme elle vient, soldat. La vie est imprévisible. Aujourd'hui je t'aime, demain je te hais.